On causa d'abord de cette vue que l'on avait, puis du paysage en général. Et les discussions commençaient quand Arnoux donna l'ordre à son domestique d'atteler l'américaine vers les 9h30. Une lettre de son caissier le rappelait. « Veux-tu que je me retourne avec toi ?» dit Madame Arnoux. « Mais certainement !» et en lui faisant un beau salut. « Vous savez bien, madame, qu'on ne peut vivre sans vous. » Tous la complimentèrent d'avoir un si bon mari. « Ah, c'est que je ne suis pas seule !» répliqua-t-elle doucement, en montrant sa petite fille. Puis, la conversation ayant repris sur la peinture, on parla d'un Ruisdael dont Arnoux espérait des sommes considérables, et Pellerin lui demanda s'il était vrai que le fameux Samuel Mathias de Londres fût venu, le mois passé, lui en offrir 23 000 francs. Rien de plus vrai. Et, se tournant vers Frédéric, c'est même le monsieur que je promenais l'autre jour à l'Alhambra, bien malgré moi, je vous assure, car ces Anglais ne sont pas drôles. Frédéric, soupçonnant dans la lettre de Mademoiselle Vanasse quelque histoire de femme, avait admiré l'aisance du sieur Arnoux à trouver un moyen honnête de déguerpir. Mais son nouveau mensonge, absolument inutile, lui fit écarquiller les yeux. Le marchand ajouta d'un air simple: Comment l'appelez-vous donc, ce grand jeune homme, votre ami? Des Lauriers, dit vivement Frédéric. Et, pour réparer les torts qu'il se sentait à son endroit, il le vanta comme une intelligence supérieure. Ah, vraiment? Mais il n'a pas l'air si brave garçon que l'autre, le commis de roulage. Frédéric maudit Dussardier. Elle allait croire qu'il frayait avec les gens du commun. Ensuite, il fut question des embellissements de la capitale, des quartiers nouveaux, et le bonhomme Oudry vint à citer, parmi les grands spéculateurs, M. d'Ambreuse.